Klaus Barbie et le gouvernement des États-Unis. Rapport pour le ministre de la Justice des États-Unis, août 1983. Par Alan A. Ryan Jr., attaché spécial auprès du sous-secrétaire à la Justice, Division criminelle, Département de la Justice des États-Unis. Sous-secrétaire à la Justice, Washington, D.C., 205-30, le 2 août 1983. Mémorandum pour le ministre de la Justice. Comme l'a montré l'enquête menée au sujet de Klaus Barbie, des membres officiels du gouvernement des États-Unis ont directement contribué à protéger une personne recherchée pour crime par le gouvernement français et l'ont aidé à se soustraire à la justice. Conséquence directe de ces actions, Klaus Barbie n'a pas subi de procès en 1950. Il a échappé à la justice pendant 33 ans, et le fait qu'il est aujourd'hui en France en instance de procès peut être entièrement attribué à la ténacité du gouvernement de la France, ainsi qu'à la coopération du gouvernement actuel de la Bolivie. Il est vrai que les obstructions faites aux tentatives d'arrestation et d'extradition de Barbie n'étaient pas approuvées officiellement par le gouvernement des États-Unis. Mais on ne peut pas non plus considérer cet épisode comme l'action malheureuse de quelques officiers renégats. Ils agissaient dans le cadre du mandat officiel de leur tâche. Ils ne visaient pas un bénéfice personnel et les actions qu'ils ont entreprises n'avaient pas pour but de les soustraire à une responsabilité légale ni à des conséquences disciplinaires. Ils ont agi dans le but de protéger ce qu'ils croyaient être les intérêts de l'armée et du gouvernement des États-Unis. Dans ces circonstances, et quelle que soit leur culpabilité personnelle, le gouvernement des États-Unis ne peut pas nier sa propre part de responsabilité dans leurs actions. C'est la justice française qui décidera si Barbie est coupable ou innocent des crimes dont on l'accuse, mais quel que soit le verdict, son rendez-vous avec la justice est très en retard. L'un des principes de notre démocratie, l'une de nos règles, dit que toute justice repoussée est une justice refusée. Si nous voulons adhérer à ce principe, et nous devrions y adhérer, alors nous ne pouvons pas prétendre qu'il ne s'applique qu'à l'intérieur de nos frontières propres et nulle part ailleurs. Nous avons différé la justice qui devait se faire à Lyon. Je pense donc qu'il convient, et c'est ce que je recommande, que le gouvernement des États-Unis exprime à la France tous ses regrets pour sa part de responsabilité dans le retard subi par la mise en œuvre de la justice dans le cas de Klaus Barbie. Il serait bon aussi que nous nous engagions à coopérer de toutes les manières qui s'imposent à la poursuite de l'enquête portant sur les crimes pour lesquels Barbie passe en justice en France. C'est une simple question d'intégrité et de conduite honorable. Il serait bon, selon mon opinion, que ces actions représentent dans cette affaire l'attitude définitive des États-Unis. Alan A. Ryan Jr., attaché spécial auprès du sous-secrétaire à la justice.